C'est sûr que si n'importe qui peut utiliser la télépathie, ça veut dire que la notion de vie privée vient de disparaître. Même chose pour les bases secrètes, là, armées, là. Ben, c'est comme même, je pense que c'est Horowitz. Il y avait un sujet, puis le bonhomme, il était bien, bien sensible, puis il avait carrément dit au bonhomme, il dit, je veux que tu ailles chez moi, dans mon appartement, puis que tu ailles voir une feuille sur mon bureau, puis que tu me lises ce qu'il y a d'écrit sur la feuille. Fait que le bonhomme, il se met dans un état second, il va voir l'appartement, puis il lit ce qui est écrit sur la feuille, puis il revient, il dit, OK, j'ai vu telle, telle affaire. Puis là, Horowitz, il le regardait, il dit, ouais. Il dit, le problème, c'est que d'un point de vue de la télépathie, inconsciemment, tu peux avoir vu l'information dans mon esprit à moi. Puis après avoir projeté l'illusion que tu te projetais dans le temps puis l'espace, puis que tu allais dans mon appartement, alors que dans le fond, c'est des archives inconscientes de ma propre âme que tu lis. Fait qu'il dit, on va faire une expérience, puis là, il a rejoint quelqu'un, puis il a dit, je veux que tu prennes quelque chose que je connais pas, puis tu le mettes sur mon bureau. Puis il refait l'expérience avec le bonhomme. Il dit, va voir sur mon bureau s'il y a quelque chose. Puis là, le bonhomme, finalement, il trouve c'est quoi l'objet, ou je sais pas c'était quoi, là. Puis finalement, là, Horowitz disait, oui, mais comme je suis lié psychiquement avec la personne à qui j'ai demandé de faire ça, même si je suis pas au courant, tu peux avoir passé par mon âme pour te mettre en communication avec l'autre, puis finalement à lire l'information par télépathie. Puis Horowitz, il a fini par se rendre compte, il dit, la psychologie au niveau de la parapsychologie, c'est bien plus un problème qu'un sujet d'étude. C'est quelque chose qui empêche l'étude. Bien, dans Au un final. sens, si on le prend au niveau philosophique avec une vision moniste du monde, les êtres ne sont pas séparés des autres, même chose pour la physique quantique avec le champ quantique. Ce qui fait en sorte que, comme tu peux pas cloisonner des éléments d'une manière totale entre des individus, ben tu peux jamais être sûr que l'autre n'a pas lu en toi parce que vous n'êtes pas séparés. Tu peux pas totalement distancer d'une manière absolue. Ben, c'était un peu comme ceux qui faisaient des expériences avec le spiritisme, puis qui testaient des entités. Tu peux leur poser des questions, puis ils te répondent. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent te l'avoir, ils peuvent la lire dans ton esprit, l'information. Aussi. Donc, ça compte pourquoi, là. Puis même si tu as du change dans tes poches, tu as de la monnaie, puis tu dis, OK, je vais sortir un 25 sous, puis je veux que l'entité, elle me dise quelle date qui a été frappée. Quelle année? Puis l'entité donne la bonne réponse. Le problème, c'est que la personne qui a manipulé cette monnaie-là, elle peut avoir inconsciemment en elle l'information parce qu'elle l'a vue furtivement. Mais c'est inconscient. De la même façon que du monde en état d'hypnose peuvent se rappeler des détails dont ils ne se souvenaient pas. Donc, ça vient annuler encore. Non, exactement. Fait Mais que, ouais. c'est pour ça que je dis c'est vague, puis d'être prudent, là.